dernier RS. Je veux être une légende comme Messi. Moi quand j'y sais précis, pas de calibre sur la vessie. L'été sur un bateau, gros pet ça fait les macros. Tu me fais le macro, mais ta chaîne c'est du placo. Beaucoup de gens au placard qui finissent célibataires. À cause de tous ces bâtards qui veulent les voir à terre. T'es plus le même depuis que le baiser est venu. Ne l'une de toutes ces folles, c'est tout ce que t'as retenu. C'est plus quoi dire, ils aimeraient que je coule navire. Je leur fais la guerre à vie. Ils mettent le is dans le seum. Laisse-moi des gus sous le sun. Pas des verres que pour le fun. Réponds sur Twitter à mes fans. J'ai des choses à faire, j'ai pas le temps pour tes affaires. Ça cherche la merde, ça te chauffe. Après ça te ramène leur père. Pas de quoi t'en faire. Si t'as des couilles qui déterrent, ça fume des gens normaux. Ça va manger au snack pépère. Les détenus en prison, tu veux porter la soupe au merlin. Pour les pilotes du bidon, c'est pour la street des vaillants. Les détenus en prison, tu veux porter la soupe au merlin. Pour les pilotes du bidon, bien même sans fric. Et le poteau il ramène des briques. Et moi que je nique des briques. Je suis en panique quand je vois les flics. 20ème album, je m'applique. Premier des ventes, je sais que ça pique. Et pour me faire de l'homme, je sais que ça fait des grosses tactiques. Je nique tout même pas, je le revendique. Genre mes claquettes, ma recette. Du gros que ça trafique dans la rue et sur le net. Et quand je fais des plans de trappe, les jaloux se mettent à m'aimer. Avant vous étiez plein de ouais, Julie s'est pas rappé. C'est pour la street des vaillants, les détenus en prison. Tu veux porter la soupe au merlin. Pour les pilotes du bidon. C'est pour la street des vaillants, les détenus en prison. Tu veux porter la soupe au merlin. Pour les pilotes du bidon. C'est pour la street des vaillants, les détenus. Les vaillants, les détenus en prison. Tu veux porter la soude au merlin. Pour les pilotes du guidon.